nouvelle édition spéciale du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Comme le veut la tradition depuis maintenant 3 ans, je vous propose encore cette année une édition Merry Chipmas mettant en vedette les compilations des fêtes du site breakbreakbreak.com. Plus tard dans l'émission, les compilations de 2014 et de 2015, mais on débute en 2013. Voici Joe Bleep, c'est Step Into Christmas. C'était D-Boyd avec Jingle Bell Rock, précédé de Muteki avec The Christmas Song et Joe Bleeps avec Step Into Christmas. Vous êtes toujours au spécial de Noël, Merry Chipmas du Mathieu Plante Show, et on continue avec CL Source. Voici Santa Drank My Colemono. C'était Tiny Snow Shovel par Sleeping Arms, précédé de Christmas Memories par Ike Sam, et on a débuté avec Santa Drank My Kolemono de CL Source. Vous êtes toujours au spécial Merry Christmas de 2013. On continue avec Jiffy Pop 23. Voici Awetenbu no Santa Kurusu. Monsieur Plancho. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'était 81 TTR 45 HR 10T avec 8-bit Kinderlean, précédé de 2Player avec Sleigh Ride et de Jiffy Pop 23 avec Awa Tenbu no Santa Cruzu dans le spécial Merry Christmas du Mathieu Plante Show. On est dans la compilation de 2013 qui se télécharge sur breakbreakbreak.com/MC2013. On continue avec Matesha, voici Let It Snow. Micro D avec Night Hark, précédé de Laffy the Fox avec une chanson originale nommée Santa Away. Et on a débuté avec Matesha et Let It Snow dans le spécial Mary Chipmiss du Mathieu Plante Show. On est dans la compilation de 2013 du site burkburkburk.com, peu importe comment vous voulez le prononcer, c'est brkbrkbrk.com/MC2013. On a écouté seulement la moitié de la très longue compilation Mary Chipmiss 2013. Vous pouvez entendre le reste, c'est-à-dire les pièces 13 à 22 ainsi que 4 pièces bonus sur assemblagehockey.com. Vous écoutez une édition Mary Chipmiss du Mathieu Plante Show. Comme je l'ai dit, ça met en vedette les compilations des fêtes du site burkburkburk.com. On sort maintenant à Chipmiss 2014 et on commence avec An Uncle BB Christmas featuring Sandro. We'll be right back. c'était O Come Emmanuel cover, précédé de Pasqua Feliz Pal Kelly, Happy Christmas to Whoever is Reading This, et au début du bloc, An Uncle Bibi Christmas featuring Sandro, dans la compilation de 2014 Mary Chipmiss. On continue avec Fairy Tale of New York, au Mathieu Plante Show. Thank you. C'était Merry Christmas Mr. Lawrence cover, précédé de Oh Blessed Joy et de Fairy Tale of New York cover dans la compilation Chipmiss 2014, disponible sur breakbreakbreak.com/MC2014. On continue avec Christmas Kebab, tout de suite au Mathieu Plante Show. Thank you. Run Run Rudolph cover précédé de Santa Claus Arigato et de Christmas Kebab dans la compilation Merry Christmas 2014. On continue tout de suite avec Dead Morrow's Drunk Nose Upgrade Version au Mathieu Planchot. We'll be right back. Christmas Wrapping cover, précédé de There's Always Tomorrow cover et de Dead Morrow's Drunk Nose Upgrade Version dans la compilation Merry Christmas 2014 qu'on retrouve sur breakbreakbreak.com/MC2014. Tout à l'heure, la compilation 2015, mais il nous reste encore deux petits blocs. Donc voici Kosetsu Japanese for Snowfall featuring Nitro Pulse au Mathieu Planchot. You'll Shoot Your Eye Out, précédé de The Playdays, The Jewel Calendar Cover et de Kusetsu Japanese for Snowfall featuring Nitro Pulse. Dans le spécial Mary Chipmiss du Mathieu Plante Show, on écoute la compilation 2014 cette fois-ci et on continue avec See You Next Year au Mathieu Plante Show. We'll be right back. Last Christmas featuring quelques caractères asiatiques que je ne connais pas, précédé de Auld Lang Syne cover et de See You Next Year dans la compilation Merry Christmas 2014. C'est d'ailleurs ce qui conclut la compilation de 2014. Vous pouvez entendre une pièce bonus Oh Come Emmanuel de Micro D sur assemblagerequis.com. Vous écoutez une édition spéciale Merry Christmas du Mathieu Plante Show mettant en vedette les compilations des fêtes du site breakbreakbreak.com. On arrive maintenant à la compilation Merry Christmas 2015 qui débute avec Ode to Joy cover par Muteki. c'était 3ND Meon avec Blessed Joy and Peace to the World, précédé de Last Christmas par Pieces of Eight et de Ode to Joy par Muteki dans la compilation Merry Christmas 2015. On continue avec un autre bloc de trois. Commençons avec This is Dartag den Gott gemacht. C'est sûr que c'est pareil comme ça. Par 8TR tout de suite au Massif Planchon. We'll be right back. C'était Pieces en el Rio par Calamares Spaciales, précédé de Santa's New Tech Beer, une composition originale de Laffy the Fox. Et on a débuté avec This is der Tag den Gott gemacht par 8TR. Wow! Dans le Mathieu Plante Show, c'est le spécial Mary Chipmiss. On écoute la compilation de 2015 en passant à la compilation de 2016. Sort toujours juste avant Noël et juste après que j'ai enregistré cette émission. Donc, vous pourrez la retrouver sur brkbrkbrk.com/mc2016. Sûrement lorsque vous écouterez cette émission. On continue avec Dweedle Cover par Keanu. Au Mathieu Plante Show. Mucho avec Lucia Sang cover, précédé de The Fantastic Mr. Dog Peas on the Christmas Tree par CL Source. On a débuté avec Keanu et la pièce Dreidel cover. Voilà, c'est ce qui termine la compilation Merry Christmas 2015. Comme j'ai dit tantôt, celle de 2016 devrait sortir dans les prochains jours alors que j'enregistre l'émission. Sinon, c'est quelques jours avant Noël. Je trouve qu'ils donnent vraiment pas assez de temps pour qu'on ait le temps d'écouter du subtour de Noël. Je ne comprends pas leur décision, mais c'est pas moi qui décide. Donc, dans quelques moments, vous devriez pouvoir aller sur brkbrkbrk.com/mc2016. Vous pouvez aussi télécharger les éditions précédentes jusqu'en 2010 en visitant assemblagerequis.com. C'est tout pour cette édition du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, les mercredis de 15h à 17h, en rappel les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, ainsi qu'au Panama C'est Fou les mardis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur cif.ca, retrouvez les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe ici du Mathieu Plante Show et Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été plantés!